Je me baladais dans la forêt magique quand subitement j'ai eu la trique. Et heureusement que sur un arbre perché, un couple d'amoureux enlacés s'embrassaient. Alors j'ai mis ma guitare entre mes doigts et fit entendre ma jolie voix. Hey. Bonjour monsieur le crâne, vous êtes moche. J'ose à mentir si votre état d'âme se rapporte à votre femme. Vous êtes vraiment faux corade, c'est moi. En entendant ses auras, il me fit un bras d'honneur, bousculant sa nana qui me tomba dans les bras. Oh, ça c'est bon ça. Hey, tu sais quoi, l'amour à la savoir de cette petite histoire, c'est que les égos malins se tapent la fin des crétins. Oh. Woohoo!